irait t'emmener chez moi. Je voudrais te tenir doucement dans mes bras, mais je vois que tu pleures. C'est parce que tu as peur. Crois-moi, petite fleur, je t'aime. Je voudrais t'accrocher à la boutonnière quand nous irons danser, que je serai fier. Je voudrais te cueillir, oh petite fleur. Je voudrais te tenir tout contre mon cœur. Je voudrais te cueillir, tu as peur qu'on te touche. Je voudrais t'en partir une fleur à la bouche. Quand viendront les grands froids, tu seras bien chez moi. Crois-moi, petite fille, je t'aime. Une fleur au chapeau, que je serai fier. Une fleur au fusil, plus jamais de guerre. Je voudrais te cueillir, oh petite fleur. Je voudrais te tenir tout contre mon cœur. Je voudrais te cueillir, pourtant sans te froisser. Je voudrais te cueillir, mais ne pas t'effrayer. Je vois que tu souris, que tu vas dire oui. Tu m'as enfin compris, je t'aime. Je voudrais t'accrocher à la boutonnière quand nous irons danser, que je serai fier. Je voudrais te cueillir, oh petite fleur. Je voudrais te tenir tout contre mon cœur. Une fleur au chapeau, que je serai fier. Une fleur au fusil, plus jamais de guerre. Je voudrais te cueillir, oh petite fleur. Je voudrais te tenir tout contre mon cœur. Je voudrais t'accrocher à la boutonnière quand nous irons danser, que je serai fier. Je voudrais te cueillir.